Eugénie Grandet, Honoré de Balzac. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Eugénie Grandet, 9e partie. Quand la porte de la rue fut fermée, Eugénie sortit de sa chambre et vint près de sa mère. « Vous avez eu bien du courage pour votre fille, lui dit-elle. Vois-tu, mon enfant, où nous mènent les choses illicites, tu m'as fait faire un mensonge. Oh, je demanderai à Dieu de m'en punir seul. C'est-il vrai, dit Nanon effarée en arrivant, que voilà mademoiselle au pain et à l'eau pour le reste des jours? Qu'est-ce que cela fait, Nanon? Dit tranquillement Eugénie. Ah, plus souvent que je mangerai de la fripe quand la fille de la maison mange du pain sec. Non, non. Pas un mot de tout ça, Nanon, dit Eugénie. J'aurai la goule morte, mais vous verrez. » Grandet dîna seul pour la première fois depuis 24 ans. « Vous voilà donc veuf, monsieur, » lui dit Nanon. « C'est ben désagréable d'être veuf avec deux femmes dans sa maison. Je ne te parle pas à toi. Tiens ta margoulette ou je te chasse. Qu'est-ce que tu as dans ta casserole que j'entends bouilloter sur le fourneau? C'est des graisses que je fonds. Il viendra du monde ce soir. Allume le feu. » Les Cruchot, Madame des Grassins et son fils, arrivèrent à 8 heures et s'étonnèrent de ne voir ni Madame Grandet ni sa fille. « Ma femme est un peu indisposée. Eugénie est auprès d'elle, » répondit le vieux vigneron, dont la figure ne trahit aucune émotion. Au bout d'une heure employée en conversation insignifiante, Madame des Grassins, qui était montée faire sa visite à Madame Grandet, descendit et chacun lui demanda « Comment va Madame Grandet ?»« Mais pas bien du tout, du tout » dit-elle. « L'état de sa santé me paraît vraiment inquiétant. À son âge, il faut prendre les plus grandes précautions, papa Grandet. » « Nous verrons cela, » dit le vigneron d'un air distrait. Chacun lui souhaita le bonsoir. Quand les Cruchot furent dans la rue, Madame des Grassins leur dit « Il y a quelque chose de nouveau chez les Grandet. La mère est très mal, sans seulement qu'elle s'en doute. La fille a les yeux rouges comme quelqu'un qui a pleuré longtemps. Voudrait-il la marier contre son gré ?» Lorsque le vigneron fut couché, Nanon vint en chaussons à pas muets chez Eugénie et lui découvrit un pâté fait à la casserole. « Tenez, mademoiselle, » dit la bonne fille, « Cornoyer m'a donné un lièvre. Vous mangez si peu que ce pâté vous durera bien 8 jours, et par la gelée, il ne risquera point de se gâter. Au moins, vous ne demeurerez pas au pain sec. C'est que ça n'est point sain du tout. » « Pauvre Nanon, » dit Eugénie en lui serrant la main. « Je l'ai fait ben bon, ben délicat. Et il ne s'en est point aperçu. J'ai pris le lard, le laurier, tout sur mes 6 francs. J'en suis ben la maîtresse. » Puis la servante se sauva, croyant entendre Grandet. Pendant quelques mois, le vigneron vint voir constamment sa femme à des heures différentes dans la journée, sans prononcer le nom de sa fille, sans la voir, ni faire à elle la moindre allusion. Madame Grandet ne quitta point sa chambre et, de jour en jour, son état empira. Rien ne fit plier le vieux tonnelier. Il restait inébranlable, âpre et froid comme une pile de granit. Il continua d'aller et venir selon ses habitudes, mais il ne bégaya plus, causa moins, et se montra dans les affaires plus dur qu'il ne l'avait jamais été. Souvent, il lui échappait quelque erreur dans ses chiffres. « Il s'est passé quelque chose chez les Grandet, » disaient les Cruchotins et les Grassinistes. « Qu'est-il donc arrivé dans la maison Grandet ?» fut une question convenue que l'on s'adressait généralement dans toutes les soirées à Saumur. Eugénie allait aux offices sous la conduite de Nanon. Au sortir de l'église, si Madame des Grassins lui adressait quelques paroles, elle y répondait d'une manière évasive et sans satisfaire sa curiosité. Néanmoins, il fut impossible, au bout de 2 mois, de cacher, soit aux 3 Cruchot, soit à Madame des Grassins, le secret de la réclusion d'Eugénie. Il y eut un moment où les prétextes manquèrent pour justifier sa perpétuelle absence. Puis, sans qu'il fût possible de savoir par qui le secret avait été trahi, toute la ville apprit que, depuis le premier jour de l'an, Mademoiselle Grandet était, par l'ordre de son père, enfermée dans sa chambre, au pain et à l'eau, sans feu. Que Nanon lui faisait des friandises, les lui apportait pendant la nuit, et l'on savait même que la jeune personne ne pouvait voir et soigner sa mère que pendant le temps où son père était absent du logis. La conduite de Grandet fut alors jugée très sévèrement. La ville entière le mit, pour ainsi dire, hors la loi, se souvint de ses trahisons, de ses duretés, et l'excommunia. Quand il passait, chacun se le montrait en chuchotant. Lorsque sa fille descendait la rue Tortueuse pour aller à la messe ou à vêpres, accompagnée de Nanon, tous les habitants se mettaient aux fenêtres pour examiner avec curiosité la contenance de la riche héritière et son visage, où se peignaient une mélancolie et une douceur angélique. Sa réclusion, la disgrâce de son père, n'était rien pour elle. Ne voyait-elle pas la Mappemonde, le petit banc, le jardin, le pan de mur, et ne reprenait-elle pas sur ses lèvres le miel qui avait laissé les baisers de l'amour? Elle ignora pendant quelque temps les conversations dont elle était l'objet en ville, tout aussi bien que les ignorait son père. Religieuse et pure devant Dieu, sa conscience et l'amour l'aidaient à patiemment supporter la colère et la vengeance perpétuelle. Mais une douleur profonde faisait taire toutes les autres douleurs. Chaque jour, sa mère, douce et tendre créature qui s'embellissait de l'éclat que jetait son âme en approchant de la tombe, sa mère dépérissait de jour en jour. Souvent Eugénie se reprochait d'avoir été la cause innocente de la cruelle, de la lente maladie qui la dévorait. Ses remords, quoique calmés par sa mère, l'attachaient plus étroitement à son amour. Tous les matins, aussitôt que son père était sorti, elle venait au chevet du lit de sa mère et, là, Nanon lui apportait son déjeuner. Mais la pauvre Eugénie, triste et souffrante des souffrances de sa mère, en montrait le visage à Nanon par un geste muet, pleurait et n'osait parler de son cousin. Madame Grandet, la première, était forcée de lui dire « Où est-il ? Pourquoi n'écrit-il pas ?» La mère et la fille ignoraient complètement les distances. « Pensons à lui, ma mère, » répondait Eugénie. « Et n'en parlons pas. Vous souffrez, vous avant tout. » Tout, c'était lui. « Mes enfants, » disait Madame Grandet, « je ne regrette point la vie. Dieu m'a protégée en me faisant envisager avec joie le terme de mes misères. » Les paroles de cette femme étaient constamment saintes et chrétiennes. Quand, au moment de déjeuner près d'elle, son mari venait se promener dans sa chambre, elle lui dit, pendant les premiers mois de l'année, les mêmes discours, répétés avec une douceur angélique, mais avec la fermeté d'une femme à qui une mort prochaine donnait le courage qui lui avait manqué pendant sa vie. « Monsieur, je vous remercie de l'intérêt que vous prenez à ma santé, » lui répondait-elle quand il lui avait fait la plus banale des demandes. « Mais si vous voulez rendre mes derniers moments moins amers et alléger mes douleurs, rendez vos bonnes grâces à notre fille. Montrez-vous chrétien, époux et père. » En entendant ces mots, Grandet s'asseyait près du lit et agissait comme un homme qui, voyant venir une averse, se met tranquillement à l'abri sous une porte cochère. Il écoutait silencieusement sa femme et ne répondait rien. Quand les plus touchantes, les plus tendres, les plus religieuses supplications lui avaient été adressées, il disait « Tu es un peu palote aujourd'hui, ma pauvre femme. » L'oubli le plus complet de sa fille semblait être gravé sur son front de grès, sur ses lèvres serrées. Il n'était même pas ému par les larmes que ses vagues réponses, dont les termes étaient à peine variés, faisaient couler le long du blanc visage de sa femme. « Que Dieu vous pardonne, monsieur, disait-elle, comme je vous pardonne moi-même. Vous aurez un jour besoin d'indulgence. » Depuis la maladie de sa femme, il n'avait plus osé se servir de son terrible « ta-ta-ta-ta ». Mais aussi son despotisme n'était-il pas désarmé par cet ange de douceur dont la laideur disparaissait de jour en jour, chassée par l'expression des qualités morales qui venaient fleurir sur sa face. Elle était toute âme. Le génie de la prière semblait purifier, amoindrir les traits les plus grossiers de sa figure et la faisait resplendir. Qui n'a pas observé le phénomène de cette transfiguration sur de saints visages où les habitudes de l'âme finissent par triompher des traits les plus rudement contournés, en leur imprimant l'animation particulière due à la noblesse et à la pureté des pensées élevées. Le spectacle de cette transformation accomplie par les souffrances qui consumaient les lambeaux de l'être humain dans cette femme agissait, quoique faiblement, sur le vieux tonnelier dont le caractère resta de bronze. Si sa parole ne fut plus dédaigneuse, un imperturbable silence, qui sauvait sa supériorité de père de famille, domina sa conduite. Sa fidèle Nanon paraissait-elle au marché? Soudain, quelque lazzi, quelque plainte sur son maître lui sifflait aux oreilles. Mais, quoique l'opinion publique condamnât hautement le père Grandet, la servante le défendait par orgueil pour la maison. « Eh ben, disait-elle aux détracteurs du bonhomme, « est-ce que nous ne devenons pas tous plus durs en vieillissant? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il se racornisse un peu, cet homme? Taisez donc vos menteries. Mademoiselle vit comme une reine. Elle est seule. Eh ben, c'est son goût. D'ailleurs, mes maîtres ont des raisons majeures. » Enfin, un soir, vers la fin du printemps, Madame Grandet, dévorée par le chagrin, encore plus que par la maladie, n'ayant pas réussi malgré ses prières à réconcilier Eugénie et son père, confia ses peines secrètes au Cruchot. « Mettre une fille de 23 ans au pain et à l'eau ? » s'écria le président de Bonfons. « Et sans motif ? Mais cela constitue des sévices tortionnaires. Elle peut protester contre, et tant que sûr. » « Allons, mon neveu, dit le notaire, laissez votre baringouin de palais. Soyez tranquille, madame. Je ferai finir cette réclusion dès demain. » En entendant parler d'elle, Eugénie sortit de sa chambre. « Messieurs, dit-elle en s'avançant par un mouvement plein de fierté, je vous prie de ne pas vous occuper de cette affaire. Mon père est maître chez lui. Tant que j'habiterai sa maison, je dois lui obéir. Sa conduite ne saurait être soumise à l'approbation ni à la désapprobation du monde. Il n'en est comptable qu'à Dieu. Je réclame de votre amitié le plus profond silence à cet égard. Blâmer mon père serait attaquer notre propre considération. Je vous sais gré, messieurs, de l'intérêt que vous me témoignez, mais vous m'obligeriez davantage si vous vouliez faire cesser les bruits offensants qui courent par la ville et desquels j'ai été instruite par hasard. « Elle a raison, » dit Madame Grandet. « Mademoiselle, la meilleure manière d'empêcher le monde de jaser est de vous faire rendre la liberté, » lui répondit respectueusement le vieux notaire, frappé de la beauté que la retraite, la mélancolie et l'amour avaient imprimée à Eugénie. « Eh bien, ma fille, laisse à Monsieur Cruchot le soin d'arranger cette affaire, puisqu'il répond du succès. Il connaît ton père et sait comment il faut le prendre. Si tu veux me voir heureuse pendant le peu de temps qui me reste à vivre, il faut à tout prix que ton père et toi vous soyez réconciliés. » Le lendemain, suivant une habitude prise par Grandet depuis la réclusion d'Eugénie, il vint faire un certain nombre de tours dans son petit jardin. Il avait pris pour cette promenade le moment où Eugénie se peignait. Quand le bonhomme arrivait au gros noyer, il se cachait derrière le tronc de l'arbre, restait pendant quelques instants à contempler les longs cheveux de sa fille et flottait sans doute entre les pensées que lui suggérait la ténacité de son caractère et le désir d'embrasser son enfant. Souvent, il demeurait assis sur le petit banc de bois pourri où Charles et Eugénie s'étaient juré un éternel amour, pendant qu'elle regardait aussi son père à la dérobée ou dans son miroir. S'il se levait et recommençait sa promenade, elle s'asseyait complaisamment à la fenêtre et se mettait à examiner le pan de mur où pendaient les plus jolies fleurs, d'où sortaient, d'entre les crevasses, des cheveux de Vénus, des liserons et une plante grasse, jaune ou blanche, un sédum, très abondant dans les vignes à Saumur et à Tours. Maître Cruchot vint de bonne heure et trouva le vieux vigneron assis, par un beau jour de juin, sur le petit banc, le dos appuyé au mur mitoyen, occupé à voir sa fille. « Qu'y a-t-il pour votre service, maître Cruchot ? » dit-il en apercevant le notaire. « Je viens vous parler d'affaires. »« Ah ah ! Avez-vous un peu d'or à me donner contre des écus ?»« Non, non, il ne s'agit pas d'argent, mais de votre fille Eugénie. Tout le monde parle d'elle et de vous. » « De quoi se mêle-t-on? Charbonnier est maître chez lui. »« D'accord, le charbonnier est maître de se tuer aussi, ou, ce qui est pis, de jeter son argent par les fenêtres. »« Comment cela ?»« Eh, mais votre femme est très malade, mon ami. Vous devriez même consulter Monsieur Bergerin. Elle est en danger de mort. Si elle venait à mourir sans avoir été soignée comme il faut, vous ne seriez pas tranquille, je le crois. »« Ta ta ta ta !» Vous savez ce qu'a ma femme ? Ces médecins, une fois qu'ils ont mis le pied chez vous, ils viennent des 5 ou 6 fois par jour. Enfin, Grandet, vous ferez comme vous l'entendrez. Nous sommes de vieux amis. Il n'y a pas dans tout Saumur un homme qui prenne plus que moi d'intérêt à ce qui vous concerne. J'ai donc dû vous dire cela. Maintenant, arrive qui plante. Vous êtes majeur, vous savez vous conduire, allez. Ceci n'est d'ailleurs pas l'affaire qui m'amène. Il s'agit de quelque chose de plus grave pour vous, peut-être. Après tout, vous n'avez pas envie de tuer votre femme. Elle vous est trop utile. Songez donc à la situation où vous seriez vis-à-vis de votre fille si Madame Grandet mourait. Vous devriez des comptes à Eugénie, puisque vous êtes commun en bien avec votre femme. Votre fille sera en droit de réclamer le partage de votre fortune, de faire vendre Froidfond. Enfin, elle succède à sa mère, de qui vous ne pouvez pas hériter. » Ces paroles furent un coup de foudre pour le bonhomme, qui n'était pas aussi fort en législation qu'il pouvait l'être en commerce. Il n'avait jamais pensé à une licitation. « Ainsi, je vous engage à la traiter avec douceur, » dit Cruchot en terminant. « Mais... « Savez-vous ce qu'elle a fait, Cruchot ?»« Quoi ?» dit le notaire, curieux de recevoir une confidence du père Grandet et de connaître la cause de la querelle. « Elle a donné son or. »« Eh bien, était-il à elle ?» demanda le notaire. « Ils me disent tous cela !» dit le bonhomme en laissant tomber ses bras par un mouvement tragique. « Allez-vous pour une misère ?» reprit Cruchot. « Mettre des entraves aux concessions que vous lui demanderez de vous faire à la mort de sa mère ?»« Ah ! Vous appelez 6 000 francs d'or une misère ?»« Eh, mon vieil ami, savez-vous ce que coûteront l'inventaire et le partage de la succession de votre femme si Eugénie l'exige ?»« Quoi ? 2 ou 3, 400 000 francs peut-être. Ne faudra-t-il pas liciter et vendre pour connaître la véritable valeur ?» au lieu qu'en vous entendant « Par la serpette de mon père !» s'écria le vigneron qui s'assit en pâlissant. « Nous verrons ça, Cruchot !» Après un moment de silence ou d'agonie, le bonhomme regarda le notaire en lui disant « La vie est bien dure, il s'y trouve bien des douleurs. Cruchot, reprit-il solennellement. Vous ne voulez pas me tromper. Jurez-moi sur l'honneur que ce que vous me chantez là est fondé en droit. Montrez-moi le code, je veux voir le code. Mon pauvre ami, répondit le notaire, ne sais-je pas mon métier? Cela est donc bien vrai? Je serai dépouillé, trahi, tué, dévoré par ma fille. Elle hérite de sa mère. À quoi servent donc les enfants? Ah, ma femme, je l'aime. Elle est solide, heureusement. C'est une Labertelière. Elle n'a pas un mois à vivre. Le tonnelier se frappa le front, marcha, revint et, jetant un regard effrayant à Cruchot, « Comment faire ? » lui dit-il. Eugénie pourra renoncer purement et simplement à la succession de sa mère. Vous ne voulez pas la déshériter, n'est-ce pas ? Mais pour obtenir un partage de ce genre, ne la rudoyez pas. Ce que je vous dis là, mon vieux, est contre mon intérêt. Qu'ai-je à faire, moi ? Des liquidations, des inventaires, des ventes, des partages ? Nous verrons, nous verrons. Ne parlons plus de cela, Cruchot. Vous me tribouillez les entrailles. Avez-vous reçu de l'or ? Non, mais j'ai quelques vieux louis, une dizaine. Je vous les donnerai. Mon bon ami, faites la paix avec Eugénie. Voyez-vous, tous au mur vous jettent la pierre. Les drôles ! Allons, les rentes sont à 99. Soyez donc content une fois dans la vie. À 99, Cruchot ? Oui. Hé hé hé ! 99 ! Dit le bonhomme en reconduisant le vieux notaire jusqu'à la porte de la rue. Puis, trop agité par ce qu'il venait d'entendre pour rester au logis, il monta chez sa femme et lui dit « Allons, la mère, tu peux passer la journée avec ta fille. Je vais à Froidfond. Soyez gentilles toutes deux. C'est le jour de notre mariage, ma bonne femme. Tiens, voilà 10 écus pour ton reposoir de la fête Dieu. Il y a assez longtemps que tu veux en faire un, régale-toi. Amusez-vous, soyez joyeuse, portez-vous bien. Vive la joie !» Il jeta 10 écus de 6 francs sur le lit de sa femme et lui prit la tête pour la baiser au front. « Bonne femme, tu vas mieux, n'est-ce pas ? Comment pouvez-vous penser à recevoir dans votre maison le Dieu qui pardonne en tenant votre fille exilée dans votre cœur ? » dit-elle avec émotion. « Ta ta ta ta !» dit le père d'une voix caressante. « Nous verrons cela. » « Bonté du ciel, Eugénie ! » cria la mère en rougissant de joie. « Viens embrasser ton père, il te pardonne. » Mais le bonhomme avait disparu. Il se sauvait à toutes jambes vers ses closeries en tâchant de mettre en ordre ses idées renversées. Grandet commençait alors sa 76e année. Depuis 2 ans principalement, son avarice s'était accrue comme s'accroissent toutes les passions persistantes de l'homme. Suivant une observation faite sur les avares, sur les ambitieux, sur tous les gens dont la vie a été consacrée à une idée dominante, son sentiment avait affectionné plus particulièrement un symbole de sa passion. La vue de l'or, la possession de l'or, était devenue sa monomanie. Son esprit de despotisme avait grandi en proportion de son avarice, et abandonner la direction de la moindre partie de ses biens à la mort de sa femme lui paraissait une chose contre nature. Déclarer sa fortune à sa fille, inventorier l'universalité de ses biens meubles et immeubles pour les liciter, ce serait à se couper la gorge, dit-il tout haut au milieu d'un clos en examinant les cèpes. Enfin, il prit son parti, revint à Saumur à l'heure du dîner, résolu de plier devant Eugénie, de la cajoler, de l'amadouer, afin de pouvoir mourir royalement en tenant jusqu'au dernier soupir les rênes de ses millions. Au moment où le bonhomme, qui par hasard avait pris son passe-partout, montait l'escalier à pas de loup pour venir chez sa femme, Eugénie avait apporté sur le lit de sa mère le beau nécessaire. Toutes deux, en l'absence de Grandet, se donnait le plaisir de voir le portrait de Charles en examinant celui de sa mère. C'est tout à fait son front et sa bouche, disait Eugénie au moment où le vigneron ouvrit la porte. Au regard que jeta son mari sur l'or, Madame Grandet cria. « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» Le bonhomme sauta sur le nécessaire comme un tigre fond sur un enfant endormi. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » dit-il en emportant le trésor et allant se placer à la fenêtre. « Du bon or ! De l'or ! » s'écria-t-il. « Beaucoup d'or ! Ça pèse 2 livres ! Ah ah ! Charles t'a donné cela contre tes belles pièces ! Eh bien, pourquoi ne me l'avoir pas dit ? C'est une bonne affaire, fifille ! Tu es ma fille, je te reconnais !» Eugénie tremblait de tous ses membres. « N'est-ce pas ? Ceci est à Charles ! » reprit le bonhomme. « Oui, mon père, ce n'est pas à moi. Ce meuble est un dépôt sacré. Tadata, il a pris ta fortune, faut te rétablir ton petit trésor. Mon père !» Le bonhomme voulut prendre son couteau pour faire sauter une plaque d'or et fut obligé de poser le nécessaire sur une chaise. Eugénie s'élança pour le ressaisir, mais le tonnelier, qui avait tout à la fois l'œil à sa fille et au coffret, la repoussa si violemment en étendant le bras qu'elle alla tomber sur le lit de sa mère. « Monsieur, monsieur !» cria la mère en se dressant sur son lit. Grandet avait tiré son couteau et s'apprêtait à soulever l'or. « Mon père !» cria Eugénie en se jetant à ses genoux et marchant ainsi pour arriver plus près du bonhomme et lever les mains vers lui. « Mon père, au nom de tous les saints et de la Vierge, au nom du Christ qui est mort sur la croix, au nom de votre salut éternel, mon père, au nom de ma vie, ne touchez pas à cela !» Cette toilette n'est ni à vous ni à moi. Elle est à un malheureux parent qui me l'a confiée. Je dois la lui rendre intacte. Pourquoi le regardais-tu si c'est un dépôt? Voir, c'est pis que toucher. Mon père, ne le détruisez pas ou vous me déshonorez. Mon père, entendez-vous? Monsieur, grâce, dit la mère. Mon père, cria Eugénie d'une voix si éclatante que Nanon effrayée monta. Eugénie sauta sur un couteau qui était à sa portée et s'en arma. « Eh bien !» lui dit tranquillement Grandet en souriant à froid. « Monsieur, monsieur, vous m'assassinez !» dit la mère. « Mon père, si votre couteau entame seulement une parcelle de cet or, je me perce de celui-ci. Vous avez déjà rendu ma mère mortellement malade. Vous tuerez encore votre fille. Allez maintenant, blessure pour blessure !» Grandet tint son couteau sur le nécessaire et regarda sa fille en hésitant. « En serais-tu donc capable, Eugénie ? » dit-il. « Oui, monsieur, dit la mère. « Elle le ferait comme elle le dit, cria Nanon. « Soyez donc raisonnable, monsieur, une fois dans votre vie. » Le tonnelier regarda l'or et sa fille alternativement pendant un instant. Madame Grandet s'évanouit. « Là, voyez-vous, mon cher monsieur, Madame se meurt, cria Nanon. Tiens, ma fille, ne nous brouillons pas pour un coffre. Prends donc, s'écria vivement le tonnelier en jetant la toilette sur le lit. Toi, Nanon, va chercher Monsieur Bergerin. Allons, la mère, dit-il en baisant la main de sa femme. Ce n'est rien, va. Nous avons fait la paix. Pas vrai, fifille. Plus de pain sec. Tu mangeras tout ce que tu voudras. Ah, elle ouvre les yeux. Eh bien, la mère. « Mes mères, Timère, allons donc. Tiens, vois, j'embrasse Eugénie. Elle aime son cousin. Elle l'épousera si elle veut. Elle lui gardera le petit coffre. Mais vis longtemps, ma pauvre femme. Allons, remue donc. Écoute, tu auras le plus beau reposoir qui se soit jamais vu à Saumur. » « Mon Dieu, pouvez-vous traiter ainsi votre femme et votre enfant ? » dit d'une voix faible Madame Grandet. « Je ne le ferai plus, plus !» cria le tonnelier. « Tu vas voir, ma pauvre femme !» Il alla à son cabinet et revint avec une poignée de louis qu'il éparpilla sur le lit. « Tiens, Eugénie, tiens, ma femme, voilà pour vous » dit-il en maniant les louis. « Allons, égaie-toi, ma femme. Porte-toi bien, tu ne manqueras de rien, ni Eugénie non plus. Voilà 100 louis d'or pour elle. Tu ne les donneras pas, Eugénie, hein, ceux-là. » Madame Grandet et sa fille se regardèrent, étonnées. « Reprenez-les, mon père. Nous n'avons besoin que de votre tendresse. »« Eh bien, c'est ça, » dit-il en empochant les louis. « Vivons comme de bons amis. Descendons tous dans la salle pour dîner. pour jouer au loto tous les soirs à 2 sous. Faites vos farces, hein, ma femme ? Hélas, je le voudrais bien, puisque cela peut vous être agréable, dit la mourante, mais je ne saurais me lever. Pauvre mère, dit le tonnelier, tu ne sais pas combien je t'aime. Et toi, ma fille ? Il la serra, l'embrassa. Oh, comme c'est bon d'embrasser sa fille après une brouille, ma fifille. Tiens, vois-tu mes mères, nous ne faisons qu'un maintenant. Va donc serrer cela, dit-il à Eugénie en lui montrant le coffret. Va, ne crains rien. Je ne t'en parlerai plus jamais. Monsieur Bergerin, le plus célèbre médecin de Saumur, arriva bientôt. La consultation finie, il déclara positivement à Grandet que sa femme était bien mal, mais qu'un grand calme d'esprit, un régime doux et des soins minutieux pourraient reculer l'époque de sa mort vers la fin de l'automne. « Ça coûtera-t-il cher ?» dit le bonhomme. « Faut-il des drogues ?»« Peu de drogues, mais beaucoup de soins, » répondit le médecin, qui ne put retenir un sourire. « Enfin, monsieur Bergerin, » répondit Grandet, « vous êtes un homme d'honneur, pas vrai ? Je me fie à vous. Venez voir ma femme toute et quante fois vous le jugerez convenable. Conservez-moi ma bonne femme. Je l'aime beaucoup, voyez-vous, sans que ça paraisse, parce que, chez moi, tout se passe en dedans et me trifouille l'âme. J'ai du chagrin. Le chagrin est entré chez moi avec la mort de mon frère, pour lequel je dépense à Paris des sommes, les yeux de la tête. Enfin. Et ça ne finit point. Adieu, monsieur. Si l'on veut sauver ma femme, sauvez-la quand même, il faudrait dépenser pour ça 100 ou 200 francs. Fin de la 9e partie.